Je marche seul dans la nuit brûlante, poussière au vent, la lune tremblant. Riders qui l'avance, l'ombre dans ses yeux, un cowboy perdu au passé ténébreux. Les étagères vides d'un vieux saloon résonnent encore d'un air de lune. Je vends mes rêves un whisky amer, un cowboy marchant dans ce désert. Dans l'ombre froide des barils renversés, le feu des arbres vient tout briser. Un cri s'élève, un chant poussiéreux, les voix des hommes gravées orageux. Right on, right on, through the western night. Rider's guild stands with fire in sight. Ride on, ride on, through the endless plain. Cowboy so burns with whiskey and pain. Chaque rayon d'or, chaque poussière me rappelle un monde qui veut se taire. Mais ma voix gronde, roc est brisée dans ce vieux Far West jamais apaisé. Les chevaux frappent, les flammes s'élancent, les pas résonnent dans le silence. Un écho sombre, une marche de fer. La vérité tombe dans la poussière. J'ai vu des ombres courir dans la nuit, des voleurs de rêves, des esprits bannis. Mais chaque balle, chaque écho de sang chante le blues noir, profond et tremblant. Cowboy est perdu, marchand d'illusions. Je vends la mort dans mes chansons. Un harmonica crie dans la brume, un sax pleure encore sous la lune. Right on, right on, à travers la poussière. Mais le cowboy chante.